Sur le bateau qui s'en allait, il y avait des marins. Sur le bateau que je suivais, la la la la la la, y avait la mer qui clapotait et chipotait les embruns. Et le vent qui s'en mêlait, la la la la la la. Et moi, sur mon you-you, qui yoyotais tout gentiment. Et moi, qui godillais pour passer le temps. Et moi, sur mon you-you, j'adorais de mes 5 ans. Et moi, qui ploupoutais en ploupoutant. Y'avait des poissons qui jouaient, y'avait des oursins tout blancs, et le soleil qui transpirait, la la la la la la. Y'avait des pio-pio qui piotaient dans les coussinets du vent, et mes cheveux qui s'en mêlaient, la la la la la la. Ouais, moi, sur mon you-you, yoyotais tout gentiment. Et moi, qui godillais pour passer le temps. Oui, moi, sur mon you-you, rougeais doré de mes 5 ans. Et moi, qui ploupoutais en ploupoutant. Non, jamais je ne passerai au-delà de la digue de Bénodet. Jamais j'ai plus pied. Non, jamais je ne passerai au-delà de la digue de Bénodet. Non, jamais je ne poursuivrai si mon bateau est crevé.